Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Game of Zone, anciennement RTU. RTU, ça voulait dire Trait d'Union. Radio Trait d'Union. C'est bien quand même un Trait d'Union. C'est utile un Trait d'Union. 42 ans que cette radio libre existe, qu'elle s'efforce d'être libre. Alors ce soir, eh bien, programme exceptionnel de la musique et des chansons. Seulement de la musique et seulement des chansons. Alors avec des paroles en français. Eh oui. Et va falloir se farcir 2 heures de paroles en français. Oui. Ah, ça change des radios, commerciales, locales, libres, entre guillemets, libres, hein. Voilà. Alors, bonne soirée, hein. Thank you.

di son estil, Benatril, minor afal, major abril, recitas la redica e versas, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vi credes firme, cai venes la prove, shibani sim. En oracov, xia belezzo achandis, tion tuie. Xi lasses vin, en iu cantin, comprenis coron, conqueris vin, cae via e lipoi flustris Samis cio, chi el frue pli.

À la Saint-Médard, mon Dieu, qu'il a plu, au coin du boulevard et de la petite rue. À la Saint-Médard, mon Dieu, qu'il a plu, y aurait pas une barre, on était fichus. À la Saint-Médard, mon Dieu, qu'on s'est plu, tous deux au comptoir, en buvant un jus. À l'abri dans le bar, on s'est tellement plu, on est sorti tard, quand il a plu plus. Quand il pleut le jour de la Saint-Médard, pendant 40 jours, faut prendre son riflard. Les marchands de pépins et de Waterproof se frottent les mains. Faut bien que ces gens bouffent. Dans notre petit bar, on se retrouvait à midi un quart et l'on attendait. Quand il pleut dehors, dedans on est bien, car pour le confort, la pluie ne vaut rien. Oh, oh, oh, oh. Pour tout arranger, il a encore plu. La Saint-Barnabé, on s'attendait plus. Pour bien nous sécher, au bar on a bu trois jus arrosés, puis on s'est replu. Saint truc, saint machin, toujours il pleuvait dans le bar du coin. On sait qu'on s'aimait. Au bout de 40 jours, quand il a fait beau, notre histoire d'amour est tombée dans l'eau. Clara, José y María, con un dios escondido nadie sabía. A la huella, la huella, huellita, José y María. Je suis né dans un arbre et l'arbre on l'a coupé. Dans le soufre et l'asphalte, il me faut respirer. Mes racines vont sous le pavé chercher une terre mouillée. Qui suis-je, qui puis-je dans ce monde en litige? Qui suis-je, qui puis-je dans ce monde en émoi? On m'a mis à l'école et là j'ai tout appris. Des poussières qui volent à l'étoile qui luit. Une fois que j'ai tout digéré, on me dit le monde a changé. Qui change, qui range dans ce monde en mélange? Qui change, qui range dans ce monde en émoi? On m'a dit faut te battre, on m'a crié vas-y. On me donne une grenade, on me flanque un fusil. Une fois qu'on s'est battu beaucoup, on me dit embrassez-vous. Qui crève, qui rêve dans ce monde sans trêve? Qui crève, qui rêve dans ce monde en émoi? J'ai pris la route droite, la route défendue, la route maladroite dans ce monde tordu. En allant tout droit, tout droit, tout droit, je me suis retrouvé derrière moi. Qui erre, qui espère dans ce monde mystère? Qui erre, qui espère dans ce monde en émoi? On m'a dit la famille, les gros sous, les autos. On m'a dit la faucille, on m'a dit le marteau. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, et puis on s'est contredit. Qui pense, qui danse dans cette effervescence? Qui pense, qui danse dans ce monde en émoi? Mes amours étaient bonnes avant que les docteurs me disent que deux hormones nous dirigent le cœur. Maintenant quand j'aime, je suis content, ça ne vient plus de mes sentiments. Qui aime, qui saigne dans ce monde sans thème? Qui aime, qui saigne dans ce monde en émoi? Et pourtant je me jette et j'aime et je me bats pour des mots, pour des êtres, pour cet homme qui va. Tout au fond de moi, je crois, je ne sais plus au juste en quoi. Qui suis-je, qui puis-je dans ce monde en litige? Qui suis-je, qui puis-je dans ce monde en émoi? Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, расстегнула сизого орла. Любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. От Катюши передай привет. И бойцу на паре подвалечью, от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть сердце бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Aquí se queda la